Ils sont pleins de poils, mais n'ont pas de poils pour se chauffer le bout des pieds. Ils n'ont pas de poils, mais des idées. Et c'est à eux qu'on doit nous faire leur résidence secondaire et placée dans le quaternaire. Mais la principale est l'Afrique pour tous les hommes préhistoriques. Beaucoup de marches pour leur marcher les ont dressés sur le bout des pieds. De gros temps grottisseront des visites pour manger de la viande bien cuite. Ils sont pleins de poils, mais n'ont pas de poils pour se chauffer le bout des pieds. Ils n'ont pas de poils, mais des idées. Et c'est à peu qu'on doit le feu. Nos ancêtres préhistoriques avaient-ils des télés en pierre pour voir leurs émissions? Facile à monter, pas de bouchon pour aller voir la mer.